Et dans l'Ure, vous n'allez pas ramasser? Non. Alors, moi, quand j'étais enfant, on devait y aller avec une de mes tantes qui était une acharnée de cela. Et on est rentré déjeuner. on pique-niquait, on ne pouvait pique-niquer que quand le seau était plein, le seau métallique était plein. Et ça, c'était pour la confiture? C'était pour la confiture, et puis un petit peu le soir, au retour, on en mangeait avec du sucre. Vous aimez la confiture de framboise? Pas tellement. Non, parce qu'autrement, je suis sûre que l'histoire de les cueillir, si vous aviez aimé la confiture de framboise, peut-être que ça serait beaucoup mieux passé. Non, je ne suis pas très sucre. Vous n'êtes pas très sucre, oui. Mais sinon, la vraie confiture que j'aime bien, c'est la tomate verte. Ça, j'aime beaucoup. Ah oui. Tomate verte, c'est vraiment un miel de tomate que ma femme arrive à faire. Et, et là, donc, recette aussi. Une recette. J'ai une recette. Alors, c'est un vieux livre de cuisine que j'ai trouvé ici, dans la maison. Mmh. Un vieux livre de cuisine. Parce qu'il y a plusieurs recettes. Mais je crois que j'en mélange deux, d'ailleurs. Ah oui. C'est souvent ce que, oui, pour plus de facilité, j'en mélange deux. C'est-à-dire que celle que j'avais, on mettait les quartiers de citron à macérer avec le sucre et la tomate pendant 24 heures. Et il y en a une autre, vous mettez vos tomates simplement à macérer, et au moment de la faire cuire, vous mettez vos jus de citron et vous mettez le zeste que vous avez taillé comme une orange dans votre préparation, et vous l'enlevez au moment où vous mettez en pot. Donc il y a les deux méthodes, et finalement je préfère celle-ci parce que les citrons, selon la cuisson, quand vous tombez sur un citron, c'est trop. Il est trop dur, ça ne va pas. Vous allez bientôt écrire un livre de cuisine. Hein. Oui. Donc là aussi, je suis vaccinée là pour un moment pour les livres. C'est compliqué. C'est long d'écrire un livre. Oui, ça sûrement. Sûrement. Donc là, je fais, selon ce que j'ai réussi une année, je le recommence ou je le modifie.